Chapitre 5. Rouge dans le sombre de la nuit, ses fenêtres vomissant un brouillard de lumière sur le quai, son ruisseau gonflé dégorgeant par la porte ouverte l'eau sanguinolente qui venait de laver le poisson, sa haute cheminée roulant sous le ciel une âcre fumée, la friture était en pleine activité, comme si toute la vie, toute la gaieté du petit port se fût réfugiée là. Dehors, tout noir, d'un noir épais de goudron, noyant la masse des maisons englouties dans le sommeil, endeuillant le port, sans qu'il fût possible de distinguer les centaines de mâts légèrement bercés par le flot, effaçant la jetée, la chapelle, le fortin, les côtes. Seulement, au plus profond de cette ancre, quelques points de feu mouvants, l'œil rouge ouvert des briques en rade, et, très loin, l'étoile blanche du petit Minou, indiquant les falaises du Léon. Rien autre, rien que la nuit, et une sensation d'immensité accrue par la caresse brutale du vent du large. Une sensation de sombre chaos où passait un rude et monotone murmure, le râle traînant de la mer dans les galets, sous un ciel invisible, sans lune, sans étoiles, opaque comme le néant. Sa sœur Yvonne, conduite jusqu'au seuil de l'usine, des heures, pensif, Hervé Guivarc resta sur le quai, remué d'émotions jeunes, plongeant son esprit dans l'abîme de ses souvenirs, en écoutant tantôt l'incessant tapage des travailleuses, tantôt la voix grave de l'Atlantique. Des exclamations de plaisir avaient accueilli l'entrée de l'innocente. De tous côtés, des exclamations amicales l'appelaient. « Yvonne, par ici, mon amour !»« Mon cœur, je t'ai réservé une belle place !»« Yvonne, vite, une chanson !»« Yvonne, une belle histoire d'autrefois !» Yvonne par-ci, Yvonne par-là. Elle n'eût su à laquelle entendre, si l'une des contremaîtresses n'était venue la prendre par la main pour la placer au centre même de l'usine. Là, bien que mêlée aux friturières, paysannes massives à la taille carrée, aux hanches lourdes, à la tournure sans grâce, elle s'en distinguait par sa fine tête d'inspirée, par ses yeux en étoile, et surtout par sa voix mélodieuse dominant le tumulte des autres voix. Sans se faire prier, sitôt installée devant l'auge pleine de sardines, après avoir paru chercher un moment dans sa tête, levant son couteau de bois pour donner le signal, elle commença la ballade du seigneur Nan et de la fée, annonçant en langue bretonne « A autre Nan hag ar Corrigan ». Toutes, attentives, bien que connaissant de longue date cette légende du seigneur qui, revenant auprès de sa fiancée après une longue absence, rencontre une Corrigan, refuse son amour et meurt, tuée par le sort qu'elle lui a jeté, poursuivaient activement leur besogne, reprenant le refrain plaintif ou écoutant la mélancolique chanson. « Dites-moi, ma belle-mère, pourquoi les cloches sonnent-elles? Pourquoi les prêtres chantent-ils en bas, vêtus en blanc ?» C'était comme le souffle embaumé et mystérieux de la lande passant à travers la grande salle, chassant pour un moment les senteurs fortes de l'huile chaude, les fétides exhalaisons du travail de la confiserie. L'usine entière bourdonnait comme une ruche sous la surveillance et la conduite de sa reine. Vive, les mains plongeaient à même le sel et les écailles d'argent pour saisir le poisson dont la tête et les entrailles sautaient du même coup sous les couteaux de bois usités pour ce travail. Puis, c'était le lavage à grande eau pour débarrasser la sardine de toute souillure, l'exposition de quelques instants sur les claies de fil de fer où elle doit sécher. D'autres, incessamment, plongeaient au fur et à mesure ces paniers à claire-voie dans des bassines d'huile bouillante pour faire frire un moment le poisson. Une fois égouttés, ils étaient renversés sur de longues tables de bois, de chaque côté desquelles se tenaient assises des ouvrières occupées à ranger en tas serrés les sardines dans les boîtes. Il ne restait plus alors qu'à les porter sous les robinets d'huile pour les emplir et à les remettre dans la pièce attenante, aux soudeurs, des hommes qui, les outils en main, n'arrêtaient pas de fermer hermétiquement les boîtes. Yvonne terminait la ballade. Elle se jeta à deux genoux et ne se releva plus. Deux chênes s'élèvent sur leur tombe et deux colombes blanches sur les branches. Aucune ne semblait s'apercevoir de l'odeur écœurante au milieu de laquelle elle se trouvait et qui venait violemment frapper aux narines Hervé, maintenant déshabitué de cette atmosphère affadissante, composée d'éléments si divers. Aucune ne paraissait sentir la fatigue. Il finit cependant par se lasser de ce spectacle, toujours le même. Après un dernier regard à sa sœur, qui travaillait aussi activement que ses compagnes, il s'éloigna, bercé par un refrain qui remplissait la friture d'un héroïque et énorme grondement. An aurikoten aso falket, brumeni rokiat en deus gret, a argat. Ce beau chant de combat célébrant le grand roi breton qui délivra ses compatriotes d'un tribut onéreux, jusqu'alors payé aux francs, et dont le souvenir traverse encore les veillées de Bretagne. L'herbe d'or est fauchée, il a bruiné tout à coup. Bataille. Sur le quai, personne. Tout Camaret dormait, tandis que l'innocente réveillait ainsi du poudreux sommeil de la tombe les héros d'autrefois. Instinctivement, lorsqu'il passa devant le bureau du port, le jeune homme leva la tête. Là-haut, derrière les volets clos de la chambre des jeunes filles, une lumière brillait encore. Il la regarda, surpris, ému, ayant une vague et secrète intuition de n'être pas étranger à cette veille prolongée. Un nom monta de ses lèvres dans une caresse de baiser. Marianic. La lumière disparut. Il lui sembla qu'il retombait en pleine nuit, que son cœur avait reçu un choc. Il frissonna, les yeux inquiets jetés autour de lui, et, tête basse, regagna le Stivel, un pressentiment de mauvais augure harcelant ses talons, le poussant à une sorte de fuite désespérée dans l'épaisseur anéantissante des ténèbres.